Puisque j'ai mis ma lèvre à ta bouche encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire les mots où se répand le cœur mystérieux, puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux. Puisque j'ai vu tomber sur ma tête ravie un rayon de ton astre, hélas voilé toujours, puisque j'ai vu tomber dans l'onde de ma vie une feuille de rose arrachée à tes joues. Beau les cœurs. Suite à l'action Slam à l'âme, très féconde en 2018, le collectif des radios locales des Vosges lance ce nouvel appel poétique. Beauté, soleil, amour, joie, clamez la beauté en poème, flamme de poésie, de toute forme, toute âme, poème court, rime ou pas, slam ou haïku pour qui le veut. Vers rouge, vert ou en envers, et toutes ardeurs, toutes formes, libre, écris, écris, exprime-toi, pour l'action Beau les cœurs du collectif des radios locales vosgiennes. Le printemps des poètes 2019 a clamé la beauté. Sur sa lancée, continuons plus haut, plus beau, battez les cœurs, volez les plumes, aux lumières du beau. Dans le désir vibrant de faire battre intensément vos mots, vos cœurs brûlants. Toute flamme, flèche, fusée de poésie est possible. Et si elle veut, se peut cible, sois créatif, choisis ton thème, tes adjectifs, tu es libre. Des émissions régulières répercuteront vos textes à partir du mois de mai sur les radios de la coordination vosgienne. Résonance FM, Radio des Ballons, Radio Guémozo, Radio Cristal, Radio Bellevue, Radio Canal Myrtille. Des prix du public seront attribués. Les auditeurs seront appelés ainsi à chaque émission à donner aux radios participantes leur coup de cœur pour tel ou tel poème. Et un regroupement des meilleurs poèmes créera un lien final. Faites-nous parvenir vos poèmes sous forme sonore, fond musical possible, par clé USB ou WeTransfert à beaulescoeurs@radioguemozo.eu. Ou sous forme écrite, nous lirons les textes sur l'antenne à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou par téléphone au 03 29 62 40 40. Action soutenue par les collèges lycées des Vosges, notamment le collège du Tillau, Contrexéville et le lycée de Bruyères. Par les médiathèques du département, par Culture C'est Nous, conseil départemental. Et par les associations littéraires des Vosges, avec des animateurs de la langue de travers et de l'Union des écrivains vosgiens. Là, tout n'est corps et beauté, luxe, calme et volupté. Les moules sont d'une texture nouvelle. Je vous avertis, ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre, il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour, et là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Voix. Sur ces canaux, dormir ces vaisseaux, dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir, qu'ils viennent du bout du monde. Allez. Tout n'est qu'ordre et beauté.